l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Bonjour, donc vous êtes trois jeunes ingénieurs avec un E à la fin, ES, d'ingénieurs sans frontières. Du groupe Agrista, donc qui travaille sur les questions d'agriculture et de souveraineté alimentaire. Je vais vous laisser vous présenter. Donc voilà, donc moi c'est Maëlys, donc membre d'Agrista depuis un petit moment déjà. Lola aussi, membre depuis un petit moment. Et Louise. Alors vous allez nous présenter aujourd'hui un projet très ambitieux, je dirais presque révolutionnaire. Un projet de mettre en place une sécurité sociale alimentaire. Alors, d'où vient cette idée saugrenue ? Alors, c'est un projet qui a mis un petit peu de temps à se mettre en route parce qu'en fait, il est issu de réflexions de plusieurs personnes différentes et de plusieurs réseaux qui se sont rencontrés. Et en fait, Agrista, à un moment, s'est mis à écrire dessus, mais il y a quand même pas mal de bases de personnes qui se sont rencontrées qui ont permis l'émergence de tout ça. Donc, on peut citer, en gros, c'est la rencontre entre des travaux sur l'aide alimentaire et la critique de l'aide alimentaire, notamment de Dominique Paturel, des réseaux paysans. Alors nous, on travaille beaucoup avec Jean-Claude Balbeau, qui fait partie du réseau CIVAM, des personnes membres de réseau salariat, notamment Bernard Friot et d'autres personnes membres de ce réseau. Et en fait, il se trouve que nous, individuellement, en dehors du fait qu'on est bénévole à Agrista, on est aussi, de par notre métier, membre de différents réseaux, à la fois agricoles, de militants environnementaux ou de la recherche. Du coup, par ces réseaux-là, en fait, il y a eu des rencontres. Et finalement, c'est la rencontre entre des thèses de réseau salariat, donc sur les questions de cotisation et notamment sur tous les travaux sur la sécurité sociale santé. Avec tous les travaux sur les questions de transition agricole et de quelle agriculture on a envie, la question de sociologie de l'alimentation et puis toute la critique de l'aide alimentaire. Et tout ça, c'est regroupé pour finalement, nous, on s'est dit, on va écrire ce projet de sécurité sociale de l'alimentation qui finalement avait émergé d'un petit peu partout comme ça. Et effectivement, donc un autre champ aussi qui était partagé. Donc c'est là que nous à Agrista on est plus intervenu. C'était sur le problème d'aujourd'hui à un modèle agricole qui n'était pas satisfaisant en termes donc de système agricole, que ça soit donc des systèmes peu rémunérateurs et d'un point de vue sur des questions aussi environnementales, etc., qui n'étaient pas territoires, qui n'étaient pas satisfaisantes. Donc voilà, en plus de la sociologie de l'alimentation, etc. Donc voilà. Et alors, effectivement, c'est un projet, on va peut-être présenter les premiers axes, mais c'est vraiment transdisciplinaire. Hein. C'est pour ça que c'est un projet de société, en fait, pour changer l'agriculture, améliorer la santé. Alors, qui c'est qui veut présenter rapidement, mais bien sûr, on pourra décliner, hein, qu'est-ce que c'est que ce projet de sécurité sociale alimentaire ? Bon, du coup, en fait, ce projet, c'est de permettre à tous de pouvoir choisir son alimentation, c'est l'objectif, avec en fait un 150 €, donc pour le début, qui serait versé aux personnes, donc à toute personne en France, avec en plus un supplément pour les personnes avec des enfants en bas âge, pour pouvoir également les nourrir. Donc ce budget serait à verser soit sur une carte vitale, soit de façon avec des tickets. Enfin, tout ça, c'est pas encore réfléchi, mais dans la base, c'est 150 € pour pouvoir en fait se procurer de produits agricoles conventionnés auprès de professionnels de l'agriculture. Donc par un mécanisme de... en essayant de respecter la souveraineté alimentaire et donc dans un processus démocratique avec en fait des caisses de conventionnement qui auraient à la fois en fait deux axes pour décider si un produit alimentaire doit être conventionné ou pas, avec du coup un axe sur avec un cadre national sur pour qu'il y ait des obligations en fait sur des critères qui nous semblent intangibles, que ce soit des critères environnementaux ou sur les revenus des paysans. Donc, par exemple, les paysans ne pourraient pas... Enfin, des produits alimentaires produits par des paysans qui ne pourraient pas se rémunérer seraient... ce ne serait pas possible d'être conventionné. Et donc, par ce biais-là, après des réunions auxquelles pourraient participer tous les mangeurs pour pouvoir choisir... Quels produits on conventionne. Donc là, ce serait des réunions accessibles à tous et donc avec des choix et des discussions selon, plutôt à l'échelle territoriale, donc à l'échelle de chaque caisse, pour pouvoir les choisir. Cette sécurité sociale alimentaire, elle est basée sur, sur la sécurité sociale de santé. En fait, elle s'en inspire énormément. Et c'est par rapport à, tu l'évoquais, cette question de choisir son alimentation. Il y a une question de santé, mais il y a une question aussi un peu éthique et démocratique. En fait, le lien avec la sécurité sociale santé, c'est de reprendre des grands principes. Qui est le premier, c'est la cotisation. Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Voilà, ça, c'est la formule toute faite. Donc chacun reçoit effectivement 150 euros après répartition de cette cotisation pour dépenser auprès de producteurs ou de magasins de producteurs conventionnés. Et ce conventionnement se fait de manière démocratique puisque à la base, la sécurité sociale santé était gérée de manière démocratique. C'est quelque chose qui a été perdu assez vite. Mais voilà, ça, c'est les grands principes, c'est cela. Et effectivement, après, on peut décliner les enjeux démocratiques. Ça, c'est quelque chose, on est encore en train d'y réfléchir sur quels critères correspondent au national et quels critères correspondent au local. Mais l'idée, c'est de penser une démocratie alimentaire où chacun peut choisir collectivement. C'est bien un choix collectif de qu'est-ce qu'on veut voir dans les rayons d'accessible à tout le monde, comme ça. Et en même temps, il y a un choix individuel, c'est-à-dire c'est l'idée qui part d'un constat qu'aujourd'hui, les gens qui n'ont pas les moyens d'accéder à l'alimentation qu'ils désirent dépendent de l'aide alimentaire et finalement ne choisissent pas leurs aliments. Donc il y a un aspect aussi, individuel dans cette volonté de donner un budget alimentation à chaque Français pour établir une sorte de démocratie alimentaire, même, on pourrait dire. Notre constat, c'est qu'aujourd'hui, dans cette lutte du mieux manger, elle est portée souvent par des... ce qu'on dit les bobos parisiens ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est des gens qui ont les moyens à la fois financiers, intellectuels, etc., de bien manger et de militer pour ça. Et pendant ce temps-là, il y a toute une partie de la population qui se nourrit des rebuts du système agro-industriel, donc avec et qui entretient aussi tout système-là, avec tout la défiscalisation, donc pour l'aide alimentaire, etc. Enfin bon, je veux dire, l'aide alimentaire aujourd'hui donc permet de justifier aussi une surconsommation et surproduction surtout d'aliments. Et donc d'un côté, on développe donc tous les systèmes alternatifs, notamment que ce soit aussi qui sont notamment portés par les paysans avec les systèmes d'AMAP, etc., ne sont accessibles qu'à une petite partie de la population. Et ceux qui peuvent, une grande partie subit complètement l'alimentation qu'il reçoit, qui est en se nourrissant de ce qu'on veut bien lui donner, et notamment une grande partie de nos poubelles. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'on ne voulait pas cautionner. En fait, il y a l'aspect de choisir son alimentation et aussi choisir son paysage dans lequel on vit. C'est-à-dire que le système agro-industriel tel qu'il est aujourd'hui, ça va être de l'open field, ça va être des pollutions. Et en fait, c'est aussi choisir de lutter, de dire j'achète ces produits-là parce que j'ai pas les moyens de faire autrement. Mais si j'avais le choix, je ferais pas ce choix. Et c'est pas parce que j'achète que je cautionne le modèle agricole qui produit ce que je mange. Et donc ça nous a semblé aussi important aussi de pas rester sur l'aspect consommation alimentaire, mais aussi tout ce que le système alimentaire produit autour de nous, que ce soit au niveau des paysages, de l'environnement, etc. Parmi tout ça, il y a aussi une question qui vient, c'est on entend beaucoup manger, c'est voter, on peut faire des choix au niveau de son alimentation, etc. Donc nous, on va plus loin que juste donner des sous à des gens pour qu'ils puissent faire leur choix. C'est aussi dire, on veut aussi choisir ce qu'il y a dans les rayons. On ne veut pas juste choisir parmi ce qui nous est proposé. Et c'est là où il y a vraiment une démocratie alimentaire qui s'installe, c'est qu'on n'est plus sur un choix individuel, on est sur un choix collectif. Et après, il y a le dernier choix qui est individuel, bien sûr, mais c'est sortir de cette idéologie, finalement, qui est libérale, de dire on choisit tous individuellement, on a un projet de société, ça se construit collectivement. Nous, on s'est par exemple posé la question de est-ce qu'il faut notamment donner le statut de fonctionnaire, par exemple, aux paysans ou centraliser les choses, en fait, finalement. Et c'est vrai que, bon, déjà, en discutant avec les paysans, il y en a beaucoup qui aiment bien rester indépendants. Alors ça, bon, voilà, ça fait partie aussi des choses de terrain qu'il faut prendre en compte. Mais il y a aussi, dans le côté fonctionnaire, il y a aussi le côté très centralisé, finalement. Et pour nous, l'alimentation, c'est avant tout des territoires et des cultures aussi différentes. Et donc, on ne peut pas centraliser ces questions-là. Il faut absolument les discuter au niveau local, tout en ayant effectivement des préoccupations nationales. Parce que il y a certains critères, si on veut se les imposer, par exemple, ça n'a pas de sens de respecter la biodiversité que dans un département et pas dans celui d'à côté. Enfin, il y a des choses. Après, c'est à nous d'imaginer, je ne sais pas, par exemple, en imaginant que dans chaque caisse, il y ait des représentants qui montent au national décider de critères nationaux. Enfin, les détails techniques, on y réfléchit, on a plusieurs propositions qui sont en cours, mais finalement, il y a vraiment cette idée de, à la fois, il y aura des décisions locales, des décisions nationales, et puis... Pour être conventionné, en fait, donc, les consommateurs deviennent acteurs en définissant des critères des produits qu'ils veulent manger. Ça peut être des critères environnementaux, des critères sociaux de production, donc ça peut limiter le travail, une certaine forme d'esclavagisme, que ce soit chez nous ou à l'autre bout du monde. Ça peut être différents types de critères qui sont définis de façon démocratique. Donc ça veut dire, et c'est là où c'est quelque chose de très révolutionnaire, que en fait, on n'est pas uniquement consommateur à choisir entre le plus pire ou le un peu moins pire. On peut vraiment changer l'agriculture. Bah, effectivement, l'idée, c'est de créer vraiment un levier pour orienter donc, l'argent qui va donc, sur l'alimentation, donc, avec ces 150 euros, vers un modèle qu'on aura choisi. Alors effectivement, là, pour rejoindre, c'est-à-dire qu'il y aura un critère donc, national, et c'est vrai qu'on fait aussi des paris démocratiques un peu à tous les échelons, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à la limite, si au niveau national, notamment sur, y a des questions sur la question, par exemple, des pesticides qui auront un sens, en tout cas statut au niveau national, parce que les polluants qui sont générés, donc notamment par les pesticides et certains produits de synthèse comme ça, un territoire ne pourra pas juste choisir de continuer à utiliser des pesticides si par la rivière, etc., il va polluer le territoire voisin. Donc ça, c'est par exemple des choses, statut au niveau national. Oui, en fait, ce que dit Maïlys, c'est vrai que ça fait référence à des réflexions qu'on a pu nous faire, notamment dans les milieux écolos, à dire comment ça, vous allez laisser le choix aux consommateurs, mais aux mangeurs, faut arrêter de dire consommateurs, mais ils vont jamais faire les bons choix, il n'y a qu'à regarder ce qu'ils mangent aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Et nous, on dit il faut prendre le risque de la démocratie, parce que finalement, qui on est pour décider à la place des gens? Après, bien sûr que, enfin, on est dans des collectifs comme pour une autre PAC ou des choses comme ça, bien sûr qu'on a nos idées sur ce qu'il faudrait conventionner, mais on ne peut pas arriver et dire on va faire de la démocratie alimentaire et mettre des critères. Par contre, il y a des choses auxquelles on a réfléchi pour quels critères mettre en place pour garantir que la démocratie fonctionne. Pour nous, ça nous paraît assez indispensable qu'on ne conventionne pas des entreprises qui réalisent un gros profit privé pour éviter qu'il y ait des acteurs qui prennent trop de place. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, dans le modèle agroalimentaire, on a des gens qui prennent énormément de place dans le jeu démocratique et qui faussent complètement tous ces problèmes. Et donc, si on veut se préserver des lobbies, il faut penser à ça en amont. Et donc, nous, les critères auxquels on réfléchit, c'est surtout des critères pour préserver cette démocratie et s'assurer qu'elle fonctionne, quoi. Oui, juste à rajouter aussi, par rapport à la démocratie, en fait, le projet, on l'a pensé à l'échelle de la France, sauf qu'en fait, il y a des constats qui sont à l'échelle internationale, comme le changement climatique. Et on sait très bien que le changement climatique, ce n'est pas les Français qui vont être les premiers touchés, ça va être aussi les personnes vivant à l'international. C'est aussi important d'avoir des critères. Donc après, à l'échelle des critères, en fait, on peut aussi penser qu'avec une éducation et être sûr que tout le monde est au courant en fait de ces constats-là, que en fait en choisissant tel ou tel produit et telle ou telle règle de conventionnement, en fait on va amener à tel constat, etc. C'est hyper important dans notre projet et ça se construit en parallèle, donc de toujours avoir une sensibilisation, l'accès aussi aux travaux de recherche qui permettront en fait aux personnes de pouvoir faire les choix en conscience. Voilà. Nous, dans le groupe Agrista d'Ingénieurs sans frontières, on est une association qui est quand même assez impliquée dans les milieux de l'éducation populaire. et où l'idée de l'éducation populaire, c'est comment on s'éduque collectivement par le groupe pour prendre connaissance sur l'alimentation de nos systèmes alimentaires, de savoir comment les choses sont produites, quels impacts ça a. Et donc, c'est surtout pas une éducation descendante de l'expert qui va nous l'apporter, c'est écouter les paysans qui nous parlent de leur métier, c'est aussi des apports scientifiques sur la santé, sur l'économie, sur des choses comme ça, sur les impacts climatiques, etc. Mais effectivement, l'accès à l'information, l'accès à l'éducation, c'est quelque chose d'important dans toute démocratie, oui. Les raisons, en fait, les motivations qui vous ont poussé à inventer ce nouveau système de sécurité sociale et alimentaire, c'est quoi ? Alors, il y en a beaucoup, mais c'est vrai qu'une chose importante, aujourd'hui, en France, on a décidé qu'on ne devait pas faire d'économie sur sa santé en mettant en place une sécurité sociale santé. Il se trouve qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'alimentation est une variable d'ajustement pour les ménages les plus précaires face à l'augmentation des loyers ou d'autres choses comme ça. Et donc pour nous, on ne devrait pas avoir à faire d'économie sur l'alimentation. Et il y a quelque chose qui nous semble important, c'est qu'à chaque fois qu'on met en place des aides, par exemple sur le logement, finalement on a les logements qui augmentent derrière. Du coup, c'est important pour nous de penser un système où finalement le capitalisme ne pourra pas se réapproprier les aides qu'on va donner aux personnes, d'où cette sanctuarisation du budget et de ne pas donner seulement des chèques aux personnes. C'est pas par paternalisme ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour que le capitalisme ne puisse pas y toucher et voilà. Donc finalement, c'est aussi reconnaître que l'alimentation, c'est un bien commun, comme la santé. C'est dit, mais pas que par nous et pas que dans les milieux alternatifs, que l'alimentation, c'est un droit et la souveraineté alimentaire. Enfin, tout le monde se gargarise et invoque ce mot. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas du tout pris en compte dans les politiques, en tout cas publiques. Donc voilà, et je pense pas que qu'au sommet du G7 qui se tiendra ce week-end, ça sera pris en compte. Après, il faut juste modérer un peu avec les dernières politiques qui fait que la santé n'est plus un bien commun. Et du coup, c'est aussi à l'aide en fait de cette prise de recul des dysfonctionnements de la sécurité sociale de la santé qu'on a essayé d'imaginer la sécurité sociale alimentaire pour justement ne pas rentrer dans les vices qu'on connaît aujourd'hui de la sécurité sociale santé. Dans le cadre national, on imagine que parmi les critères, ça sera donc une non-capitalisation des moyens de production par des entreprises financières pour pouvoir continuer de garantir. C'est-à-dire que dans le modèle de société que nous, on défend, les producteurs et productrices doivent pouvoir vivre de leur travail. Et puis, tu en parlais tout à l'heure, finalement, arrêter la politique du don alimentaire qui ne fait que, quelque part, c'est vrai, on parle de limiter le gaspillage alimentaire en donnant les surplus, la surconsommation. Mais en fait, c'est une forme de légitimation de ce système de production avec 443 millions d'euros défiscalisés pour ces entreprises qui font de la surproduction, donc pollution, déchets, etc. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, on est dans un système où les entreprises n'ont pas intérêt à réduire, on n'a pas intérêt à réduire le gaspillage à la source, puisque on y gagne plus à produire plus et à défiscaliser derrière. C'est plus rentable, en tout cas, aujourd'hui. Et quelque chose que l'aide alimentaire oublie et que Maïlys m'a rappelé là en parlant, nous, un des fondements aussi du projet d'Agrista, c'est le droit à l'alimentation, et le droit à l'alimentation, c'est pas uniquement un droit à avoir une quantité calorique dans son assiette, c'est aussi le droit de pouvoir choisir, les conditions dans lesquelles on mange, de pouvoir juste choisir son alimentation, et ça, c'est quelque chose qui est complètement oublié par les politiques d'aide alimentaire. Du coup, concrètement, en fait, le projet va permettre de sanctuariser un budget de 150 euros par personne pour l'alimentation, pour acheter des produits conventionnés. Ces 150 euros, ils vont être récupérés par des cotisations salariales auprès des travailleurs. donc avec une graduation selon les revenus et les niveaux de salaire des personnes. Et donc, le fait de sanctuariser en fait ce budget alimentaire et du coup d'avoir tous les processus de conventionnement pour choisir son alimentation va permettre en fait d'orienter la production grâce à ce financement et à cette volonté en fait d'être conventionné ou pas conventionné, de pouvoir en fait transformer petit à petit le modèle agricole. Donc bien sûr, enfin, il faudra prendre en compte certainement au démarrage du projet cette phase de transition en fait qui va pas être facile. On produit pas bio du jour au lendemain. Enfin, il y a des processus à mettre en place et ça peut prendre du temps, mais en tout cas on peut imaginer du coup d'avoir des critères sur plusieurs années en disant pour le moment on conventionne ces produits là en attendant que l'action à l'échelle de la production se mette en place pour vraiment avoir les produits tels qu'on les espère. Nous on pense que c'est important de généraliser la restauration collective, par exemple, et de permettre aux gens, peut-être tout le monde n'a pas envie, n'a pas le temps de cuisiner, en attendant d'être tous aux 35 heures et d'avoir tous un travail à côté de chez soi et d'être libre de plein d'obligations, de penser une restauration collective pour tout le monde qui serait ouverte le soir dans les communes, par exemple, qui serait aussi un lieu où on pourrait socialiser aussi, rencontrer des gens. Au tout début, tu disais que c'était quand même quelque chose où on avait du mal à voir comment ça pouvait être mis en place. Moi, je pense que c'est justement un projet où, bien sûr, il y a une transition énorme à penser, mais il y a quand même beaucoup de choses qui existent déjà aujourd'hui et qui nous permettent de dire, c'est pas si loin que ça. Déjà, un système de cotisation où on reverse à des gens, et on a la sécurité sociale santé. Des processus, finalement, de conventionnement. Alors, les labels, nous, on est très critiques de plein de choses, etc. Mais il y a des choses qui existent. Nous, on a des spécialistes parmi nous du commerce équitable, tout en étant assez critiques de certaines pratiques. Il y a quand même des choses qui existent sur comment on fait pour regarder toute une filière, comment on fait pour, même si c'est pas appelé conventionnement, c'est appelé labellisation, comment on fait pour faire tout ça. Donc, je sais que Réseau Salariat parle souvent de déjà-là. Il y a pas mal de déjà-là qui demandent juste à être mis ensemble et à fonctionner, quoi. Aujourd'hui, on voit qu'il y a aussi certaines attentes aussi d'une partie de la population, des fois de commerce à échelle à plus petite, de liens plus directs avec les agriculteurs, etc. Donc voilà, il y a une certaine volonté d'une partie de la population, en tout cas vers ce genre de modèle. Donc effectivement, avec ce conventionnement, comme on remettra la question de l'alimentation, de ce qu'on mange, d'où ça vient, etc., sans doute, lors de ces débats-là, émergera peut-être une volonté de transformation aussi des systèmes, pas que de production, mais peut-être de distribution. Donc effectivement, tout ça, ça pourra. La question, c'est vraiment de remettre la question de l'alimentation, de ce qu'on mange, comment on le produit et d'où ça vient. Tout ça, de pouvoir remettre du choix dans tout ça, quoi. Alors finalement, la sécurité sociale alimentaire, c'est une utopie concrète, réalisable ? Effectivement, donc c'est pas tant une utopie que ça, parce qu'effectivement tout ce qu'on a imaginé, ce sont des choses des alternatives qui existent déjà par endroit et des initiatives en tout cas qui sont déjà qui peuvent déjà être en place. Donc voilà, donc l'utopie de sortir de l'aide alimentaire pour aller vers un vrai droit à l'alimentation, donc c'est quelque chose qui est très faisable dans un futur assez proche. Alors c'est vrai que par rapport aux autres organisations avec qui on peut commencer à travailler, hein, parce qu'il n'y a pas encore de positionnement global, il n'y a pas encore de positionnement des autres organisations avec qui on peut travailler, c'est en cours, quoi. Mais dans les discussions qu'on peut avoir, la question de la stratégie émerge quand même pas mal. Et nous, c'est vrai qu'on se positionne sur comment penser un système qui peut être mis en place demain dans le monde dans lequel on vit. Même si on a des envies révolutionnaires derrière nous, enfin dans notre tête, c'est comment penser un système qui peut être mis en place demain tout en ne verrouillant pas un potentiel futur révolutionnaire et qui va plus loin, en fait, dans ce qu'on veut. Pourquoi pas penser 200 euros et puis, voilà, d'aller plus loin dans cette truc-là. C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur Internet.